personnel. Ah bah c'est redevenu un plat. Je sais pas, il y avait une merde. Problème pour jouer les accompagnements, pour faire mes trucs, moi je suis obligé de mettre la basse, la batterie et un clavier parce que personne veut le jouer, donc je le fais. Mais par contre, si après il y en a un qui arrive à comprendre, qui arrive à jouer, moi je peux virer les pistes. C'est pour ça que je préfère utiliser mon séquenceur externe, et j'en ai deux. J'ai traction en analogique qui fait MIDI analogique, et j'ai Guitar Pro qui permet de cibler des loops sur quelque chose que j'ai envie de jouer et de travailler avec d'autres, et comme ça je fais tourner en rond et je peux virer les instruments un par un au cas où. Ouais, ok. Sinon, si c'est trop figé, après ça permet pas de faire évoluer l'idée, quoi. Moi je sais ce qui me manque à comprendre, mais parce que ça le fait sur un autre logiciel, mais là j'ai pas trouvé la... Où est-ce qu'il faut l'enlever le truc? Comme si c'était en anglais. Tu vois, sur un séquenceur par exemple, ça fait des lignes. Et je veux virer ces lignes pour pouvoir faire la boucle comme il faut. Je sais plus comment on fait. Ça fait des petites lignes, tu vois. Ça sépare le... Putain, pourtant j'ai enregistré la basse pile poil longtemps. Je vais la refaire. Par exemple, tu te mets sur la mesure. Oh, bah tu sélectionnes et tu fais supprimer. Tu sélectionnes et tu fais sélectionner et puis tu fais supprimer. Ou tu fais track. En fait, en anglais, c'est track. Tu fais des lettres track et puis c'est tout, comme ça tu vires toute la piste. Ouais, mais c'est ce que je viens de faire. Voilà, attends. Faut que tu fasses des lettres track. Attends, je sais ce sur, que je oh, voilà, c'est remove. Sur Reaper, je viens de regarder, c'est remove selected track. Mais par contre, tu vas t'emmerder parce que déjà que tu as une session ouverte pour jouer, faire un jam en direct, ouais. Si tu ouvres des pistes en même temps, ça va être un vrai bordel. Tu vas pas savoir ce qui passe, ce qui passe pas, tout, etc. C'est pour Attends. Ça, moi, je préfère garder un séquenceur externe que je maîtrise et que j'envoie sur ma table de mixage. Comme ça, Reaper, c'est juste mon interface pour être connecté à Nimbot et rien de plus. Sinon, ça devient usine à gaz et après ton PC s'écroule. Mais je vais y arriver. Il faut que j'arrive. Faut que j'arrive à faire ce truc. Je sais faire sur Ableton, putain. Bon, par contre, attends, je me déconnecte 2 minutes. Je reviens.